Le rabbin et le radin. C'est l'histoire d'un homme riche, mais qui ne voulait jamais contribuer aux œuvres de la communauté pour les pauvres. Le président de la communauté finit par aller voir le rabbin, espérant que cet homme sage, par son intervention, arriverait à convaincre le riche d'être plus généreux. C'est par un matin d'hiver, bien froid et rigoureux, que le rabbin décide d'aller rendre visite à l'homme riche. Il revêt ses habits les plus chauds, s'emmitoufle dans un manteau bien épais, et va frapper à la porte de l'homme riche. Ce dernier, bien au chaud, auprès de son poêle, ne portait qu'une chemise légère et s'apprêtait à boire un café bien revigorant pour affronter le froid de cette matinée glaciale. Lorsqu'il ouvre la porte, il est fort étonné de trouver le rabbin devant lui. Il ne s'attendait pas à une telle visite matinale et surtout pas par une telle température. Il le convie alors chaleureusement à rentrer rapidement au chaud partager un café. Mais fort aimablement, le rabbin décline l'invitation en disant qu'il était de passage par là et voulait juste le saluer. L'homme le remercie et, commençant à sentir le froid le pincer, se prépare déjà à refermer la porte. Mais le rabbin est toujours là et commence à bavarder et à demander des nouvelles de toute la famille. Touché par tant d'attention mais commençant à se sentir frigorifié, l'homme invite à nouveau le rabbin à rentrer. À nouveau, le rabbin refuse et continue à parler. Après quelques minutes et ne pouvant vraiment plus supporter le froid qui traversait sa petite chemise et le glacé, l'homme s'exclame « Excusez-moi, monsieur le rabbin, je vais vraiment devenir discourtois, mais je n'en peux plus de ce froid. Je vais devoir rentrer et fermer la porte. » Le rabbin, toujours souriant, lui dit alors « Allez-y, ce pourquoi je suis venu est maintenant accompli. Vous savez à présent ce que c'est d'avoir froid et de ne pas avoir de vêtements chauds pour se protéger. Vous penserez alors avec plus d'empathie aux pauvres de notre communauté dorénavant. »